Donc bonsoir à tous et puis donc bienvenue pour les débats du jeudi soir. Donc on va accueillir donc si vous voulez nous appeler, vous pouvez nous appeler au 0800 08 5000 ou 0803 08 5000 et 3615 code Fun Radio rubrique direct. Et je corrige, c'est 0800 70 5000. Voilà. Merci Julie. Donc on va accueillir Adeline. Allô. Salut Gérard. Salut Adeline. Ça va? Ça va. Delphine. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Ça va? Ça va. Alexandra, bonsoir. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir. Bob. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Tom. Oui, salut Gérard. Juste une question avant qu'on commence. Est-ce que c'est vrai que le 30 août au soir, tu faisais du stop sur le péri, sous le pont de l'Allemagne et que le chauffeur a eu peur? Déjà Tom, avant de commencer. D'accord. Tu retournes voir Gaël au standard. Non, mais merci. J'ai du sort. Merci, bonsoir Tom. Au revoir, ça me fera plaisir pour ce que tu viens de dire. On ne parle pas de Didi, en fait. Ça va commencer, Gérard. Non, mais je perçois ça, si ça ne vous plaît pas, c'est même ferme. Cher ami, calmez-vous. Salut, mais c'est son dernier bonsoir. Débat. Marwan, c'est moi, bonjour. Bonjour, Didi. Salut. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Donc, on va commencer. Donc, je voudrais répondre à la première question. Ben déjà, tu as terre et tu as déjà écouté la première question et tu te calmes un petit peu. Bien, mon ami. Savez-vous ce qu'est un paparazite? Comment? Ben, c'est quelqu'un qui est parasite. Ben, attends, Gérard, c'est pas paparazite, c'est pas par hasard qu'on dit. Non, mais attends, tu as pas commencé à me les gonfler, toi. Ah, ben, tu te calmes. Non. Donc, moi, je veux répondre. Qui? Bob. Alors, vas-y. Ben, un paparazite, c'est un paparazite. Non, mais c'est pas ce que je pense. C'est quoi aussi, pour toi? C'est un. Ah, Gérard. Un photographe. Ah, Gérard. Non, c'est pas ça. Ah, Gérard. Quoi? C'est quoi la question? Non, mais attends, ouais, t'as qu'à t'ouvrir tes oreilles. Hein, non, mais j'ai oublié. Non, mais je veux pas savoir. Adeline. Ouais. Pour toi? Non, je sais pas, c'est bizarre comme question quand même. Ah, ouais, d'accord. Pour toi, Gérard, c'est quoi? Bah, attendez, je vais vous répondre après. Je vais réfléchir d'abord. Ouais. Bah, réponds d'abord. Réponds d'abord. Adeline. Oui? C'est quoi pour toi? Ben, c'est un insecte. Non, c'est. Non, c'est pas ça. Non, pas juste alors. Bon, c'est tout perdu. Apparemment, ça fait peur hein, ce soir. Bah non, mais moi aussi j'aime bien. Hein. J'écoute ouais. C'est bien, moi j'aime bien. Bah, pour moi, oui. Un paparazite, c'est un. Je sais pas, je veux dire, c'est un bonhomme, un insecte qui prend des photos, on va dire. Ouais, c'est d'accord. Ça, c'est ce que je voulais dire. Bon, voilà, en fait, c'est un photographe. Mais non, c'est Eric Ramsey de 19h20. Bon, alors, déjà, celui qui vient de dire Christine, tu vas retourner voir la gueule. Hop, bonne nuit à toi. C'est Gérard pour Max. Ouais, bah c'est bien. Donc moi je vais vous expliquer ce que c'est un paparazite quand même. Ok, vas-y, explique-nous. Donc c'est un photographe qui a même pas une autorisation et qui s'amuse à faire des photos sur n'importe qui. Ça c'est vrai. Est-ce que t'es victime des paparazites? Ouais, ça c'est terrible. Ça, la question, vous allez y répondre. De cette manière, je l'ai posée. Je la pose. Donc, vous allez y répondre chacun votre tour plus tard. D'accord. Non, mais toi, c'est moi qui pose la question. Non, mais moi, c'est moi qui poserai mes questions. Et je vais te dire une chose, que la réponse que j'ai à la question que tu viens de me dire, tu la retrouveras aussi bien. Ok. Voilà. Alors, d'accord. comment réagissez-vous si vous êtes traqué par un paparazite? Ah bah moi, je mets un collier anti-puce. Non mais attends, un paparazite, je viens de te dire que c'était un photographe, c'était pas un insecte, ok? Ah ouais. Bah c'est un mélange des deux, hein. Non. Je prends des poses, je m'y suis. Ouais, moi je souris, ouais. Moi je lui mets une tarte dans la tête, attends, il va pas te faire chier le paparazite, faut pas déconner non plus, oh. D'accord, ouais, ok. Ouais. Alors pensez-vous que les paparazites devraient être interdits? Bah ça va vite, hein. Oui, ça va vite. Parce que, apparemment, c'est quoi la première question? Non, parce que ça fait marcher l'économie du pays. Il y a des trucs comme Galet, voici, si ça n'existe plus, le pays, il a plus de sous. Non, mais attends, pour l'instant, on s'amuse pas à faire des pubs pour n'importe quoi. Hein? Bon, moi, je dis que si les journaux marchent comme ça, c'est parce qu'il y a des consommateurs. Mm-hmm. Et donc, voilà, et tout. T'achètes les journaux, GV? Non. Non, jamais? Non. Ah bon? Non. J'achète aucun journal. C'est pas ce qu'on m'a dit. C'est pas ce qu'on t'a dit. Mais alors, tu sais ce que les gens disent? Ouais. Pour moi, c'est des sous. Voilà. T'as tout à fait compris ce que je voulais dire. Avec un con comme toi, on s'emmerde, et un con comme moi, on se fait chier. Ah, c'est beau. Alors, je vais te dire une chose, qu'un con comme toi, bah, tu vois, tu vas retourner voir Jaël au standard. Mais c'est tu le dis tout le temps. Il y a juste Dom sur Minitel, département 75, qui dit « Papa Razit, c'est le père de Razit ». Il nous fait l'humour. Papa Razit, père de Razit. Alors, pensez-vous que la vie d'une star devrait éviter les paparazzis? Ouais, ouais, c'est pas non. Oui. Moi, je pense que... Mais la vie seulement, hein. La vie, ouais, ouais, justement, je suis d'accord avec Gégé, là. Mmh. Moi, je pense que oui. Et je voulais simplement que tu nous dises, Gégé, parce que c'est vachement important. Est-ce que c'est vrai que toi, chez ED, tu vois, et toi, Christine, vous vous êtes fait courser par des paparazzis et qu'avec ton caddie, t'es rentré dans une colotte de boîte de conserve? Alors, Tom... Non, moi, ce que je veux savoir, c'est que tu le dises, quoi, parce que pour moi, c'est vachement important. Non, mais Tom... Non, parce que moi, je suis un fan de toi, Gégé. Les paparazzis, c'est des salauds, ok? Ouais, c'est des salauds. Non, bah, on est tous d'accord sur ce point-là. Ouais, on accueille Jackie. On est tous avec toi, Gégé. Silence. Ouais, c'est vrai. On accueille Jackie maintenant. Salut, Gégé. Ça va? Jackie? C'est qui est arrivé, là? Salut, Jackie. D'accord. Jackie de Paris. Mmh. Donc, pour toi, qu'est-ce que... d'après la question? Qu'est-ce que la question? Je suis d'accord avec toi. C'était la question, Gérard. C'est des salauds. Pensez-vous que la vie d'une star devrait éviter les paparazzis? Bah oui. Je pense que elle devrait éviter les paparazzis, mais sa vie, je pense pas. Bah, c'est la vie d'une personne, hein, de toute manière, qui est en jeu, hein. Bah ouais, mais ce qu'elle veut, c'est son avis, quoi. Non, mais de toute manière, on va pas s'éterniser sur un truc que je veux pas parler, de toute manière. Mais moi, je préfère quand même R sa vie, hein. Hmm? De quoi? Mais parle plus fort. Parle plus fort quand tu veux dire quelque chose. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, bah, d'accord. Apparemment, t'as pas du tout compris ce que je viens de te... Ce que t'as pas compris la question. J'ai posé des questions, j'ai un peu mieux aussi. T'as demandé notre avis, puis moi, je te dis que je préfère R. Gégé, c'est Jackie. Je voudrais savoir, est-ce que toi, tu connais quelqu'un qui a traqué sa vie pour les paparazzis? Non. À peu près? Non. Non? Jamais? Croquette. Non. Ah bon. Question suivante? Ouais, bah, on va y aller. Pourquoi les paparazzis suivent les stars de cinéma? Alors ça, c'est une question que je pose à tout le monde, et ça, je pense qu'on l'a vu lors du festival de Cannes. Ouais. Moi, je suis convaincu, c'est pour ça. Donc maintenant, vous allez répondre chacun votre tour, parce que là... Ils sont beaux. Non, mais attends. Ils sont beaux, alors là, tu restes quand même poli, s'il te plaît. Donc on va demander à Adeline. Adeline. Ouais, réveille-toi un peu, hein. Réveille-elle un peu, les nanas, hein. Ouais, vas-y. Bon, Adeline. Quoi? Réponds à la question. Non, c'est bon, Adeline. Tu vas réveiller par Gaël, là. Mais Gérard, c'est toi qui as endormi, hein. Non, pour l'instant, c'est vous qui êtes endormi. Bah, on est endormi. Bah ouais, grâce à qui? Ouais, vous allez vous réveiller. D'accord, moi je crois que les paparazzis, ils étaient aussi au salon de l'agriculture, ils t'ont photographié parce qu'ils t'ont pris pour un buzz. Je pense qu'il les photographie parce que c'est des stars de cinéma. Mais attends, c'est pas toi que je m'adresse, ouais, ça mais Delphine. Non, mais ils sont connus, c'est pour oui, ça, Gérard, c'est cool. Ils sont connus, c'est des stars. Ouais, c'est des stars, voilà, c'est ça. C'est leur vie, où, tu vois, il y a des gens qui se contactent sur leur vie et tout. Oui, comme toi, Gérard, t'es une star, par exemple, tu vois. J'ai jamais fait photographier par des paparazzis. Non. Bon, pourquoi? Sur Internet, sur Internet, ça n'a rien à voir, d'accord? Ah bon? Parce que sur Internet... les cochons et... Et les Gérard. On mélange pas les cochons et les serviettes. On accueille Eric à la plaque. On accueille Eric à la place de Tom. Salut Eric. Oui, bon, Eric. Oui. Vous la fermez, il y a une question Minitel. C'est une question. C'est quoi la question Minitel? Accrochez-vous. L'humour de Dom qui nous dit les stars évitent les paparazzis, Lady Di a évité et elle a pris le mur. Non, bah alors là, Pardon. Je suis d'accord avec Serge. On n'en parlait pas ce soir. C'est toi le meilleur. Bon, allez, vas-y, Gérard. Tu vas t'endormir là, Gérard. Ah, bah on s'endort. Ouais, c'est Eric. Question 10. C'est Eric. Ouais. Bah, moi, je vais sur internet et il paraît qu'il y a des paparazzis qui t'ont pris en photo à toi et Christine en train de compter les morpions. Je vais sortir. Eric! Oui. Eric! Non, c'est vu ça sur internet. Hein. Je suis dans l'art. Eric! Au revoir. Tu sais où que tu vas là? Au revoir. Alors, pensez-vous que je pourrais être un jour suivi par un paparazzi? Bien sûr que oui, Gérard. C'est évident, allons-y, Gérard. Qui me dit oui? Qui dit oui? Mais bien sûr que oui, moi je dis oui. Allez, oh punaise, vous commencez à me dégonfler. On accueille Alain. Salut Alain. Ça va? Ouais, en forme. Moi, je m'en regardais ce matin. Je voulais poser qu'une question en Gérard. Vas-y. Ben, je voulais savoir, est-ce que c'est vrai que tu n'aimes pas les paparazzis depuis qu'un paparazzite a foutu un téléobjectif dans l'anus, dans les chiottes de locaux? Ah oui. Alain. C'est une bonne question. Alain. Oui. J'aime pas les paparazzites, moi. Putain, c'est des salauds. Bon, bah, de toute manière, on s'est foutu un objectif dans l'anus, c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai des salauds. On va quand même. Gérard, tais-toi quand même un peu plus respecté, parce que là j'ai l'impression quand même que les auditeurs prennent le dessus. Gérard, on va les réveiller. T'es endormi ce soir, hein, Gérard. Oui. Je suis réveillée, je t'écoute. Ouais. Je suis réveillée, Gérard. On répond à la question. Mais pose-la la question. Mais la question, Gérard, tu te calmes. Tu parles correctement à tes éditeurs, d'accord? Tu réponds à la question. Mais parle en français, alors. Je parle aussi bien français que toi et je t'emmerde. Non, pas ça, mais pas vrai, alors. Voilà. Adeline. Quoi? Je peux pas répondre. Il a fait les grosses têtes. Adeline. Mais c'est quoi ta question, Gérard? Je comprends rien, moi. Mais pourquoi que... Je suis par un paparazzite. Mais moi je pense que oui. Moi je veux répondre. Quoi? Moi j'ai déjà répondu, Léo. Je veux répondre, Jackie, j'ai pas encore répondu. Bon, vas-y, Jackie. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas bon, hein. Ça me fait une belle jambe. Oui, qui c'est? C'est Alexandra. Oui. Si tu crois que tu vas te faire poursuivre par les paparazzites, c'est parce que tu crois que tu es une star. Mais c'est une star, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle, c'est une star, Gérard. C'est un alien. On vend des remixes en Belgique. Ouais, c'est un SP1 d'ailleurs, hein, super. Attends, qui c'est qui vient de dire les remixes en Belgique? Ouais, Alain, calmez là maintenant. Eh ben Alain, tu retournes Jean-Guy et l'Osso. C'est pas Alain, chemin du Léonard. Faudra peut-être qu'il se travaille parce qu'il va dégager. Et moi, Marwan, là, tu travailles un peu? Ah, mais je me suis réveillé, moi, déjà, oh. Non, mais tu parles pas beaucoup, alors je voudrais bien que tu réagisses un d'accord, peu. D'accord, c'est quoi la question? Non, mais attends, c'est quoi la question? J'ai oublié. C'est que pensez-vous des paparazzites? Bon. Ouais. Non, c'est pas une question. Allez, Marwan, tu me dégages, il dort. Mais ça va dégager, j'ai l'impression. Hein. Je pense que... Ça va casser. Il est 1h30, je pense qu'à 2h, ça va être terminé. Super, hein. Bon, ouais. Il y en a qui pose une question, maintenant. Ouais, vas-y. Bon, moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai que si Christine avait été un homme, tu serais encore avec elle? Comme ça, ça va aller vachement vite le débat ce soir, hein, j'ai l'impression. Ah bah tu m'étonnes, tu dégages tout le monde. Attention, paparazzite sur Minitel, un paparazzite visiblement qui a pris des photos de Gégé dans les chiottes de la loco. Ah, c'est ça qui est sur internet. En bonne compagnie, c'est sur internet, bah voilà, c'est confirmé. Bah voilà. Et ben bah, c'est bien, donc dans ce cas-là, si c'est sur internet, Max. Max, allez hop, au secours. Sur internet. Non, c'est l'internet. Et tu me ramènes l'épreuve. L'épreuve réelle? Ouais, ouais. Max, mais réelle, hein? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre à toi? Rien, justement, c'est ça le problème. Alors, croyez-vous qu'il faut délivrer une carte de photographe pour paparazzite? Non. Bah, il faut leur délivrer une... Qui vient de dire non? Une carte de cantine. Une carte de quoi? une carte de photographe. Parce que des paparazzis. Une carte bleue. Une carte de photographe. Est-ce que oui. t'en as une, Gégé, carte non. de photo? T'as une carte routière? Non, mais ça, ça te regarde pas, je mon frère. Je crois que t'as des cartes de France dans ton lit aussi. Tu veux savoir de quelle couleur qu'est la chemise blanche d'Henri IV? Bah ouais. Rose. Voilà, tout à fait. Jaune devant, marron derrière. Bon, Delphine. Oui. Ou Adeline, est-ce, est-ce que ça t'exciterait que je me déguise en paparazzi? Oh, tu fais ce que tu veux, c'est pas mon problème. Et moi, est-ce que ça t'exciterait que je me déguise en paparazzi? Ouais, à mon avis, ouais. c'est pas à vous Gérard, que je m'adresse. Excusez-moi, donc je vous interromps un peu. Donc nous avons déjà deux nouveaux venus. Nous avons donc un paparazite qui veut donc rester dans l'anonymat le plus total, que nous saluons tout de suite. Caramel, oui, bonsoir. Et ensuite, nous avons donc Nico, qui lui, par contre, veut participer au débat. Bonsoir, Gérard. Salut. Vous allez bien? Ah, Nico, t'as bon. Gérard, bonsoir. Salut. Je suis paparazite et j'ai pris certaines photos à ton égard. Ça sent le coup fourré, ça. Tu l'as pris dans les chiottes de la loco, c'est ça? Pas spécialement. Non, du côté de la rue Rosée, machin, Bon, et combien est-ce que tu vends les photos? 800 000 francs. C'est cher, mon fils. Gérard, est-ce que t'écoutes ce qu'on est en train de dire? Je te signale que tu es en train de faire du fric sur ton dos encore. Arrête un peu là. Eh Gérard, combien tu donnes pour les photos ou pour les récupérer? Des auditeurs? Non, mais je les ai achetés avant lui là. Bon, je voudrais bien qu'on revienne dans les débats parce que tout à l'heure on va mettre une musique, ça va vous calmer un petit peu. Je voudrais savoir, est-ce que tu penses que Florent était un paparazzi? Ça te regarde pas. Il a donné ton tatou à l'antenne. Ça, je vais vous dire une chose, l'histoire du tatou c'est réglé, maintenant vous allez pas me prendre la tête avec d'ailleurs, ça. D'ailleurs, le tatou de Gérard, c'est le 06 06 37 0. Ok, eh ben on va mettre un disque et puis on va se retrouver tout à l'heure pour la 8e question. Ah, ça va vite, hein? Bah oui. Pensez-vous que je puisse échapper au paparazzi? On va pas le temps passer. Gérard. On va écouter. 82 21 80. Merci pour ça. Pour ceux qui viennent de donner le numéro de tatou à l'antenne, vous allez retourner voir Gaël et je veux pas vous revoir après la musique. Bah, tu vas nous réentendre à la radio. Tu vas nous réentendre. Je vois pas. Tu nous vois pas, Gérard, c'est la radio. Non, mais ceux qui sont amusés... Le numéro de tatou de Gérard est le... 06 57. On est coupé, là, je crois. De laisser 82. Écoute, je suis désolé, j'ai d'autres révélations sur Minitel. Donc... 80, tu gères, hein. Merci pour ceux qui ont... Alors, dans ce cas-là, tu les reprends tous. C'est Arnette, c'est pas moi. Le numéro de tatou, c'est pas moi non plus. C'est Gérard qui l'a donné. Le numéro de tatou de Gérard est le... Non, on va s'arrêter, parce que ça suffit, hein. On écoute. Donc, on va accueillir Émilie. Allô? Bonsoir, Émilie. Salut. On va accueillir Josiane. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. On va accueillir Lara. Bonsoir Gérard. Laura, pardon. Laura, pardon. Bonsoir. Laura, Gérard. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Alex. Salut. Ça va? Et Yoshin, je sais pas quoi là. Yoshimitsu, s'il te plaît. Comment? Yoshimitsu, s'il te plaît. Si j'en ai envie d'être. Non, si tu prononces mon prénom correctement, et ça ira. T'en respect, Gérard. Moi, Gérard, je t'appelle pas Gérard. Enfin, je t'appelle Gérard, je t'appelle pas connard. Alors, déjà, tu restes poli, s'il te plaît. Non, bah toi aussi. Ouais, bon, tu vas te taper. Déjà, dans ce cas-là, le connard, tu sais ce qu'il va te dire, tu vas aller. Non, mais attends, tu leur demandes de rester poli, et là tu dis connard, ça va plus, Gérard. Non, mais attends, c'est pas moi qui lui a dit connard, c'est lui qui a commencé, s'il te plaît. J'ai commencé. Faut te calmer. Bah non, c'est tout. Qui reste poli? Ouais, bah toi aussi. Gérard, c'est pas en plus que tu oublies le paparazzi, si tu veux, qui était. Ouais, bah, on va accueillir Marcel. Marcel Amon. Allô? Allô? Marcel Amon. Je m'appelle pas Marcel, hein? Non, tu t'appelles quoi? Paparazzi. Ouais, c'est un paparazzi. C'est court, hein? Attends, Gérard, je suis désolé, il y a peut-être une voix qui ressemble beaucoup à celle de Marcel, mais ce n'est pas Marcel. Je ne sais pas. Marcel est là-haut. Non, il n'est pas là-haut, j'y vais bien. C'est Marcel. Oui, c'est ça. Bon, croyez-vous qu'il faut délivrer une carte de photographe au paparazzi? Bah, tu laisses la poser, non, mais c'était la question, donc comme j'ai viré tout le monde tout à l'heure, parce que ça commence à... T'as bien fait, c'était des gros cons. Ah ouais, c'est vrai, on voulait vraiment bête, hein. C'est vrai, aucun humour, ils avaient. Ouais. Ah, carrément. Ouais. Émilie. Bon, alors... Émilie, c'est dégueulasse, hein. Non, c'est Émilie. Alors, Émilie, s'il te plaît. Ouais, allô. Émilie. Ça va? Bon alors, Oh, Émilie, tu travailles sur le capot. Oui, je suis réveillée, Gérard. Tiramisu, qu'est-ce que tu penses des... Non. Tiramisu, ça veut dire autre chose. Moi, je trouve ça dégueulasse. Tiramisu en japonais, c'est nul. Je demande à Émilie. Attends, 30 secondes. Ouais. Je remets les choses au clair. Hein, je les ai enlevées 5 minutes. Tu vas gérer ton débat. Non, mais dans ce cas-là, Émilie, elle va se réveiller quand je lui parle. Mais je lui pose Émilie, la question. Je tentais de te répondre simplement si tu cries. Tout le monde crie pour en s'entendre, donc ça ne marche pas. Donc, alors, Émilie. Donc, tu cries, mais tu n'insultes pas. Émilie. Ok, connard. C'est bon, tu retournes voir Gaël au standard. Allez, mon connard. Tu vas passer à la criquette. Bonne nuit. Allez, hop. Ah, Gérard, c'est Terminator ce soir. Ouais, bon, Émilie, ouais. S'il te plaît. Ouais. Alors. Quoi ? Oh, elle est endormie, elle est. Hé, je suis pas endormie, de quoi tu fais, toi ? Non, mais ouais, Émilie. Émilie. Ah est-ce que ouais, écoute-moi ta question. Hein ? Est-ce que t'as entendu la question ? Ouais, j'ai entendu. Oui, moi j'aime bien le bœuf aux oignons. Non, mais tu peux répéter, s'il te plaît. On l'a entendu, mais on n'a pas écouté. Oh là là. Allô ? Ça commence à être lourd là ce soir. Hein. Je pense que pose ta question. Qu'on reprenne vraiment le débat. Ouais, qu'on revienne vraiment au sujet initial qui était les paparazzis. Les paparazzis, ouais. C'est vrai. Croyez-vous qu'il faut délivrer une carte de photographe aux paparazzis ? Émilie ! Ouais. Bon, Émilie, tu te. Allez hop. Ouais, non, mais je suis là, ok, c'est cool. Bon, allez, vas-y. Non, Émilie. Moi, je pense qu'il faut délivrer des cartes de photographe aux paparazzis parce que je pense que c'est vrai, ouais. Non, franchement, sérieusement. Tu crois qu'il faut leur délivrer ? Ah oui, oui. Et pourquoi ? Je pense que ouais. Mais pourquoi tu veux leur délivrer une carte ? Parce que c'est des gens qui photographient, donc ils ont le droit d'avoir une carte de photographe, je pense, non ? Tu crois ? Attends, en principe, les cartes de photographe, elles sont pas délivrées facilement. Quand t'es photographe, tu peux quand même avoir une carte de photographe, tu vois, c'est quand même un peu la même chose, non ? Non, parce que moi je vais te dire une chose, que avec ce qui se passe à l'heure actuelle, les trois quarts n'ont pas de carte. Ouais, c'est vrai, mais bon, moi je pense que justement, tu vois, justement, ils devraient en délivrer. Ouais. D'accord. Moi je suis d'accord. Donc pour toi, Émilie. Ouais, franchement, ouais. Moi je suis à fond. Ok. Bah, vraiment top. Ah ouais, carrément. Josiane. D'enfer. Ok, je suis d'accord. Josiane. Super. Ouais, c'est top. Josiane. Allez. Oui, mais je t'écoute, Gérard, ne crie pas. Tu réponds à la question. Mais je voudrais bien, mais je peux pas. Il y a quelqu'un qui a raccroché. Ouais, comme ça ira plus vite. Josiane. Allez. Oui. Alors, oui, il devrait délivrer une carte aux journalistes. On est bien d'accord. On est dans paparazzi. Ouais. Et comment savoir que c'est un paparazzi ? Est-ce qu'il arrive et il dit, moi je suis un paparazzi ? Non, il dit, moi je peux pouvoir le croire en fait. Ah. Voilà. Non, parce que de toute manière, les cartes, les gens qui ont des cartes de photographe. Et ça, de toute manière, on peut les voir lors des défilés ou autre. Celui qui parle derrière, c'est bon, tu te tais. Ah non, excuse-moi, je croyais que j'étais aux rantaines, là. Voilà. Là, tu vas y aller tout à l'heure. Mais non, mais je vais répondre. Non, mais attends, pour l'instant, je réponds quand même à Josiane, s'il te plaît. Vas-y, connard. Alors, le connard, tu sais ça. Mais non, je t'ai appelé Gérard. Au standard. J'ai rien fait. Mais il a rien fait, Gérard. Excuse-moi. Non, il a rien dit, moi, j'ai rien dit. Gérard, calme-toi. Voilà, merci. Non, mais pour l'instant, on me parle au standard, alors vous taisez, s'il vous plaît, derrière. Merci. D'accord. Le paparazzi est parti, donc nous accueillons Nico. Salut Gérard. Salut Nico. Ça va tout le monde ? Ça va ? Ça va, ouais. Alors, je vais regarder ce matin. C'est bon, vous commencez pas à vous amuser comme ça. Comment c'est pas déconner, là ? C'est des filles, là. Bon, alors, Josiane, donc, je vais répondre à ta question. C'était pas une question. Non, mais... C'est quoi la question, Gérard ? Non, mais attends, t'as qu'à t'ouvrir. Moi j'arrive là, alors tu permets ? Oula. Question pour la troisième fois consécutive. Croyez-vous qu'il faut délivrer une carte aux paparazzis ? Tu veux pas passer à la question suivante ? Non, pour l'instant tu vas répondre à ma question et c'est tout. Si t'es pas content, tu retournes chez toi, d'accord ? Bah, je suis c'est clair et net. Ok ? Si t'es pas content, tu raccroches ton téléphone et on prend quelqu'un d'autre. Non, c'est clair, là. Ok ? Et d'ailleurs, il y a Aero Smith sur Minitel qui va raccrocher son téléphone parce qu'on va l'appeler. Voilà. Ok. Bah alors, moi je peux répondre. Non, mais attends, moi je vais finir de répondre quand même à la question. Josiane. Quel relou. À quoi reconnaît-on un paparazzi ? Voilà la question. Donc, alors, moi, je vais te dire une chose que je sais pas si tu vois des reportages ou autres. Normalement, ils ont des cartes de photographes sur eux qu'on voit. Ah bon ? Ah oui. Ouais ? Mais c'est pas une carte, hein. Et t'en as certains qu'on n'ont pas. ils sont passés pour des photographes qui n'ont pas de carte. C'est ça, des paparazzis. Voilà. On parle pas de la loco, d'accord? Ouais. C'est de la loco. Ok, on parle de, ni de la loco, ni des chiottes. C'est quand même un peu poli. Laura. Oui. Donc, pour toi, c'est la même question. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Je suis tout à fait d'accord. Il y a aucun problème. Attends, 5 minutes derrière. Ah, d'accord. Laura, tu parles un petit peu plus fort, s'il te plaît. Excuse-moi, Gérard. Donc, je disais que, bah, écoute, moi, je suis tout à fait d'accord avec les filles. Et t'as quel âge, Laura? Bon, c'est bon, pour l'instant, vous l'allez. Tu me donnes quel âge, à ton avis? Hein? Tu me donnes quel âge? 21, s'il te plaît. Combien? Bon, Nico, tu dégages. Oh, c'est pas moi qui ai fait ça, ouais. Nico. C'est pas moi qui ai fait ça. Dehors, Nico. C'est pas lui, oh, Gérard. Dehors, Nico. Dehors, ça me suffit. C'est pas Nico, c'est les filles. Non, non, c'est pas les filles, c'est un mec. Oh, là, là. Tu vas calmer un petit peu, là, le petit en face, là. Menteur. Laura. Oui. Donc, tu rejoins Josiane et Émilie? Tout à fait. Et Gégé? Bah, attends, minute. Mais depuis tout à l'heure, je te posais une question, tu veux pas parler les mecs. Bon, alors, c'est qui veut parler maintenant? C'est Alex. Alors, Alex, vas-y. Je voulais te demander, un gars, un photographe qui a une carte et qui traque les stars, c'est quoi pour toi? Mais bah, c'est un paparazzi. Bah non, il a une carte. Mais même? Et s'il a une carte de sécurité sociale? Mais ça ne parlera pas avec une carte de photographe, espèce d'andouille. Hey, sois poli, espèce d'enculé. Eh ben, Alex, au revoir. Bonne nuit, Alex. Bonne nuit, Alex. Bonne nuit, Alex. Gérard, nous accueillons Aerosmith. Ah, Aerosmith. Salut. Ça, j'adore. Bonsoir. Salut, Gégé, ça va? Salut. Ça va? Ouais. T'as pas regardé ce matin? De toute manière, maintenant, vous commencez à me gonfler avec tout ça, alors je vous répondrai plus sur ce truc-là. Donc, et si il joue aux cartes, qu'est-ce que c'est? Bon, on va quand même lui laisser... Gérard, réponds-moi, écoute, okay. C'est vexant, là. Non, mais attends, pour l'instant, on va le laisser répondre à la question, s'il l'a entendu. Oh, tu travailles, là? Ouais, on répète ta question, 2 minutes. Non, mais attends, ça fait la quatrième fois que je réponds la même fois, hein. Gérard, nous accueillons Carlos et Paul. Bonsoir Gérard. Carlos. Bonsoir Gérard. Olé. Salut Gérard. Carlos. Salut. Bonsoir Paul. Ça va? Ça va. Carlos. Ça va Carlos? Ça va. Je pose pour la dernière fois la question, sinon je passe à la suivante. Allez, Gérard, mais fais-toi. On ne parle pas des chiottes. La 8e. Pensez-vous qu'on puisse échapper aux paparazzis? Eh, vous arrêtez de perdre vos conneries derrière maintenant. Du calme. Bon. Calme-toi. Alors. Ah, c'est un 94 sur l'autoroute, ouais, on peut. Allô? Bonne nuit. On abandonne les chiens au bord de l'autoroute. Eh ben, c'est bien dans ce cas-là. Les trois chiens comme vous, on ne peut plus. Au revoir les chiens. Au revoir chiens. Gérard. Il vient d'arriver, Gérard. Bonne nuit. Et là, ça m'incrache, ça continue à siffler alors que j'avais retiré les trois becs. Donc, on va continuer avec Émilie. Salut. Donc, t'as entendu la question? Ouais, mais j'ai déjà répondu, je crois. Non, pensez-vous qu'on puisse échapper au paparazzis? Non, tu n'as pas répondu. Ah ouais, moi je pense que... Ah oh bah oui, c'est possible. C'est-à-dire on allons s'enfermer dans les toilettes. De toute façon, il y a pas de toilettes. Tu peux t'enfermer dans les toilettes, donc pas dans un... Non mais Émilie, c'est pas la peine de répéter ce que l'autre a brouté. Mais non, je répète autre chose. Tu veux des moyens, c'est pour toi. C'est des tuyaux pour toi que tu veux ou... Gérard. Ouais. Moi je pense qu'on peut pas leur échapper parce qu'ils ont des motos et nous on coule. Attends, mais non, là ils ont des voitures. Hey, tu donnes ton nom s'il te plaît. C'est Carlos. Ouais. Eh ben je pense qu'on peut pas leur échapper parce que eux ils ont des voitures et puis nous on est à pied en train de courir comme des cons. Carlos. Hé, Gérard. Carlos. Mais tu t'es déjà cogné dans un pilier sous le pont de l'Alma? Bon, Carlos, bonne nuit. Ce n'est même pas Carlos qui vient de parler, donc je pense peut-être que tu te concentres un peu mieux. J'avais bien précisé qu'on ne parle pas du pont de l'Alma. Est-ce qu'on peut parler de la loco? Alors, attends, Gérald, un truc que je comprends pas. On peut pas parler du pont de l'Alma, ni de Christine, ni des chutes de la Logo, ni des remix. Alors, de quoi on peut parler? On va parler de Moma et de Christine. On parle du débat, pour l'instant, la question c'est que, pensez-vous qu'on puisse échapper au paparazzi, oui, oui ou non? Oui. Alors oui. Qui, oui? Laura, je t'écoute. Et moi, je parle pas, hein. Laura, je t'écoute, s'il te plaît, tu as dit oui, alors pourquoi? Et Laura, est-ce que t'es bonne? Allez, bonne nuit. Allez, hop. On fait une conclusion, Gérard, en bonne uniforme. Tout débat mérite une conclusion, donc tu vas commencer par la tienne, je t'écoute. Non, pour l'instant, le débat n'est pas terminé, il n'y aura pas de conclusion. Le débat va être terminé parce qu'il va être 2 heures, tu vas pas passer 1 heure sur un débat si tu veux, donc vu que tu en as deuxième à faire, tu fais ta conclusion. Bah moi, non, on va les reprendre tous chacun leur tour et après... Ta conclusion à toi. Moi, ma conclusion, je suis contre les paparazzis, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas à faire ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font des photos sur le dos des gens alors qu'ils n'ont pas d'autorisation. Et t'as été victime de paparazzi? Non. Non. Ok, d'accord, on va faire le débat. Donc le standard, vous pouvez revenir. Oui. Donc, quel... La tu veux pas donner ton adresse? Non. Ah ouais, l'adresse, ok? Il n'est pas censé être là. Dans ce cas-là, il n'y a pas de deuxième débat. Tu n'es pas capable de faire une conclusion, Gérard. Bon sang, t'as 6 auditeurs, c'est pas bien compliqué. Non, mais sur 6 auditeurs, il n'y a que des connards. Ah bah, tu m'étonnes. Merci. Eh bien, écoute, si t'es pas content, aussi, ça fait 7. Tu les prends. Émilie, ta conclusion. Bon, alors, allez, vas-y, on fait la petite conclusion. On fait la petite conclusion, allez, vas-y. Émilie. Abax. Émilie, tu travailles, s'il te plaît. Ah non, je m'endors. Non, mais je la conclusion. Vas-y, Gérard, ta conclusion à toi. Mais ça y est, j'ai déjà dit. La conclusion, c'est... Allez, dis-la. Vous êtes lourd. Bah, monte ta conclusion. Bon, la conclusion, Parce que là, ça commence à devenir lourd. Ils sont partis.